السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait qu'il nous ait permis, tabaraka wa ta'ala, d'être en vie dans les moments qui sont les meilleurs, qui sont les meilleurs moments de l'année. Le mois de Ramadan est le meilleur mois, comme vous le savez. Mais les nuits du mois de Ramadan, les 10 dernières nuits, sont les meilleures nuits de toute l'année. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Une des plus grandes causes pour réussir la fin du mois de Ramadan, c'est de ressentir cette grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous et de redoubler d'efforts dans une adoration qui s'appelle ash-shukr, la reconnaissance. Ash-shukr, c'est le fait de reconnaître que tout ce qui nous vient émane d'Allah azza wa jal. Ash-shukr, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue. Ash-shukr, en disant alhamdulillah et en faisant ses éloges et en mentionnant le bienfait. Ash-shukr, c'est le fait d'utiliser ses bienfaits dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une grande adoration qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et très nombreux sont les textes, que ce soit dans Al-Qur'an ou que ce soit dans Al-Sunnah, qui nous montrent l'obligation de la reconnaissance, mais également l'obligation d'utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui plaît. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans que cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bienfait que vous puissiez imaginer, dont vous avez connaissance ou que vous ignorez, sachez qu'il vous provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ash-shukr à la base, c'est l'irfan, c'est le fait de reconnaître la chose, c'est l'ihsan, c'est le fait de reconnaître une chose et de la propager. Et nous, lorsqu'on l'utilise en général, c'est dans les éloges. Mais ça ne suffit pas dans la religion d'Allah Azza wa Jal, le fait de dire Alhamdulillah, pour être considéré comme un serviteur reconnaissant. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran de ses serviteurs, innahu kana abdan shakura, c'était un serviteur reconnaissant, ça n'est pas parce qu'ils ont simplement dit Alhamdulillah. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ash-shakur par excellence. C'est lui qui accepte le peu de la part de ses serviteurs et qui rétribue en abondance avec largesse. Il multiplie cette petite action et il rétribue en donnant des montagnes de hasanat, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui pardonne les imperfections dans les actes de ses serviteurs, puis accepte le peu de leur part, puis les récompense. Alors que c'est Allah qui a créé le serviteur, c'est Allah qui lui a fait aimer de faire le bien, c'est Allah qui lui a donné la capacité de le faire, l'intention, et après tout cela, il le récompense. Donc, par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Shakur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans Madarij al-Salikin, définit ce qu'est Ash-Shukr en disant Ash-Shukr, ظهور أثر نعمة الله على لسان عبدي ثناءً واعترافًا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit la reconnaissance, c'est le fait de manifester, de faire apparaître les bienfaits d'Allah sur la langue du serviteur en faisant ses éloges et en manifestant la reconnaissance. Tu dis Alhamdulillah, ça vient de la part d'Allah, sans Allah je n'aurais rien eu. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis par vos efforts. Et on ne dit pas grâce à Allah et toi. Non, on ne donne pas d'ego à Allah Azza wa Jal, d'égal à Allah. Donc première étape, ou premièrement, le premier pilier de la reconnaissance avec la langue, on fait les éloges d'Allah Azza wa Jal et on mentionne ses bienfaits. Deuxièmement, avec le cœur, on reconnaît que tout bienfait est le bienfait d'Allah. Tout bienfait a été accordé par Allah. Tout bienfait est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Pas parce qu'on le mérite, mais c'est une grâce de sa part, c'est un don pur de sa part, subhanahu wa ta'ala. Aussi, à chaque bienfait qu'on reçoit, on doit augmenter notre amour pour le donateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, avec les membres. Avec les membres, il faut utiliser ces bienfaits pour se soumettre davantage à Allah et pour l'adorer davantage. Donc avec les membres, c'est la soumission et l'obéissance. La soumission et l'obéissance. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit que le cœur doit reconnaître que le don et la grâce tout entière est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit également qu'on doit accueillir ses bienfaits à l'image du pauvre, à l'image du besogneux, à l'image de celui qui est dépendant du don d'Allah. On reçoit le bienfait en témoignant notre reconnaissance parce qu'on ne peut pas se passer des dons et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit également qu'on doit utiliser ces bienfaits-là dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais les utiliser pour désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Pour ne jamais, on ne doit jamais les utiliser en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, Inch'Allah, avec ces deux paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'Ibn al-Sa'di rahimahullah ta'ala, on a bien compris ce qu'était la reconnaissance. Ça n'est pas une simple parole. Mentionnons certains textes pour chacun de ces piliers. Car on a dit que les piliers de la reconnaissance était au nombre de trois, avec la langue, on fait les éloges d'Allah Azza wa Jal, avec le cœur, on reconnaît que ça vient d'Allah, on augmente notre amour pour lui, et avec les membres, on utilise dans ce qui plaît Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la reconnaissance, on a le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiyallahu anhu, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim, « Savez-vous ce que votre Seigneur a dit ?» Ils ont répondu « Allahu wa rasulu a'lam ». Allah et son messager sont plus savants. Il a répondu « Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir ». Ce matin, certains se sont levés en étant reconnaissants parmi mes serviteurs. Certains ont été reconnaissants, ou bien ils ont cru en moi et d'autres ont mécru. Certains se sont réveillés parmi mes serviteurs en étant croyants et d'autres ont mécru. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. Celui qui est arrivé au matin en disant par la grâce d'Allah et sa miséricorde, il a plu. La pluie est tombée et descendu par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Voici celui qui a cru en moi. Quant à celui qui a dit il a plu suite à la position des étoiles, voici celui qui a mécru en moi et qui a été croyant aux astres. Dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, Ibn Abbas, la version de l'imam Muslim, Et أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. Qui sont les reconnaissants? C'est ceux qui ont dit lorsqu'il a plu, voici la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire l'effet de la miséricorde d'Allah. Et ceux qui ont dit la position des étoiles a été véridique, voici ceux qui ont été ingrats. Voici ceux qui ont été ingrats ou qui ont mécru. Dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait sans qu'il n'émane d'Allah. Naam, c'est le bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On doit vraiment avoir cette conviction. Même dans les dons, quand tu donnes, rappelle-toi que ce que tu donnes, c'est Allah qui te l'a mis dans la main pour voir comment est-ce que tu agis. وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ. Et donnez-leur de l'argent d'Allah. De l'argent d'Allah qu'il vous a donné. Donc remarquez dans ce verset, on appuie sur cette information-là, sur cette conviction qu'on doit avoir. Maintenant, avec la langue, on a mentionné il y a le verset dans Sourate Ad-Duha, « وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ » Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le, parle-en. Tu dis par exemple, Alhamdulillah, je suis musulman. Sans Allah, je n'aurais jamais été musulman. Alhamdulillah, j'ai accompli ma prière. Alhamdulillah, je jeûne. Alhamdulillah, je suis en vie. Alhamdulillah, j'ai pu me repentir de tel et tel. Tu remercies Allah pour ses bienfaits. Tu remercies Allah Azza wa Jal pour la santé. Tu remercies Allah Azza wa Jal pour la guider, pour la sunna, pour la science, pour la vie, pour la subsistance, pour la santé, pour les enfants et ainsi de suite. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah la yarda anil abdi ya'kulul akla fa yahmadullah alayha wa yashrabu sharba yahmadullah alayha » Allah est satisfait de son serviteur. Allah est satisfait de son serviteur lorsque ce dernier, suite à une bouchée prise ou à une gorgée prise, remercie Allah pour cela. Tu manges, tu dis Alhamdulillah. Tu bois, tu dis Alhamdulillah. Cela t'amène la satisfaction de ton Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Cela t'amène la satisfaction de ton Seigneur, Subhanahu wa Ta'ala. Aïcha radiallahu anha nous dit. Une nuit, yani dhatu laylatin, فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. J'ai perdu le prophète صلى الله عليه وسلم une nuit. فالتمست أو فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك. بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Et en cherchant, ma main est tombée sur ses pieds, il était prosterné dans son lieu de prière et ses pieds étaient dressés, la position connue lors de la prosternation. Et il disait, je cherche protection auprès de ton agrément contre ton courroux. Naam. Auprès de ta préservation contre ta punition. Auprès de toi contre toi-même. Je ne saurais dénombrer tes éloges. Tu es comme tu t'es décrit toi-même ou comme tu as fait tes propres éloges. Apporté par l'imam muslim. Lorsque le prophète sallam creusait les tranchées lors de la bataille de l'Ahzab, lui et les compagnons faisaient les éloges d'Allah Azza wa Jal en disant Laoula Allah, ma tasaddaqna, ma sallayna. N'eût été Allah, nous n'aurions pas prié, nous n'aurions pas donné d'aumône, et ainsi de suite. Et lorsque Aïcha radiallahu anha a reçu la grande nouvelle de son innocence révélée par Allah, parce qu'elle était innocente, min qabl wa min ba'd, mais ça a été annoncé dans le Coran. Elle a dit, je ne remercie que Allah, celui qui a fait descendre cela. Et personne d'autre parmi les, et personne parmi les créatures. Très très nombreux sont les exemples dans ce sens-là. Quant aux preuves du troisième point, utiliser ce bienfait dans l'obéissance d'Allah et ne pas lui désobéir avec, donc avec les membres, dans sourate Saba, Allah Azza wa Jal nous dit « I'amalu ala Daoud ashukra » « Agissez ala Daoud avec reconnaissance ». Donc on a parlé d'action, alors qu'il s'agit ici de reconnaissance, c'est également avec les membres, même si ça englobe tout. Donc, il faut obéir à Allah Azza wa Jal en utilisant ses bienfaits. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran wa qalilu min ibadi ash-shakur. Donc c'est la suite de, du verset qu'on a mentionné. Très peu parmi mes serviteurs sont très reconnaissants. Donc beaucoup disent alhamdulillah, mais peu sont ceux qui sont vraiment reconnaissants, qui concrétisent tout cela. Qui concrétisent tout cela. Donc si Allah Azza wa Jal t'a donné des biens, utilise-les dans l'obéissance d'Allah. Si Allah t'a donné la santé, utilise-la dans l'obéissance d'Allah. Si Allah t'a donné la force, t'a donné la langue, les membres, utilise-les dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Utilise-les pour lire le Coran. Utilise-les pour te tenir debout la nuit. Fais des efforts ces dernières nuits de Ramadan. Si Allah t'a donné l'argent, dépense pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dépense pour nourrir ceux qui sont dans le besoin, tes proches, ta famille et ceux qui sont dans le besoin. Sois reconnaissant envers les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui à qui Allah azza wa jalla a donné une science, il en fait profiter la communauté, il l'applique et en fait profiter la communauté. Et il n'écoute pas ceux qui vont l'empêcher d'enseigner à une personne l'alphabet, comme si on conditionnait le fait d'être savant pour apprendre les lettres de l'alphabet à une personne, ou pour lui apprendre à mémoriser les invocations, ou pour lui enseigner al-Fatiha, ou « Qul huwallahu ahad » ou « Ayatul Kursi ». Non. On conditionne qu'il soit savant de ce qu'il veut donner. Pas qu'il soit savant pour pouvoir donner un minimum. Mais il faut craindre Allah Azza wa Jal dans cela et ne pas parler sans science. Et ne pas devancer les savants dans une chose. Et ne pas devancer les savants dans une chose. Chacun doit donner à hauteur de sa capacité. Ne serait-ce que dire à une personne, fais la prière. Prie. Invoque Allah. Naam, ne serait-ce que pour cela. La mère de famille, il est très peu le faire. Le père de famille, il est très peu le faire. Puis, plus on monte en degré, moins de gens sont habilités à le faire jusqu'à ce qu'il ne reste que les grands savants. Mais il faut être reconnaissant envers ce qu'Allah nous a permis de savoir. L'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans la seigneurie, dans le tawhid. Tu comprends le sens de la ilaha illallah, propage-le partout. Tu comprends le sens de Muhammad Rasulullah, qui a été enseigné par les savants, propage-le partout, les savants de Ahli Sunnati wal Jama'a. Tu comprends l'importance de la prière, fais comprendre cela aux autres. Pareillement pour les autres piliers de l'islam. Aussi, parmi les grands ahadiths, qui ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la reconnaissance, il y a le hadith de Abi Huraira radiallahu an. Le hadith de Abi Huraira qui nous raconte une histoire, subhanallah, magnifique, rapportée par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors qu'un homme marchait, il a été pris par une forte soif. Il était très assoiffé. Il est donc descendu dans un puits et a pu boire de cette eau. Puis il en est sorti. C'est alors qu'il vit un chien en train de laper la terre sur le sol. Tellement il était assoiffé. Cet homme a donc dit, il a certes atteint l'état que j'ai atteint. Il s'est rappelé de sa situation à lui, de la grande soif qu'il avait touchée, et il a été pris de pitié par ce chien. Savez-vous ce qu'il a fait? Il est redescendu dans le puits, a rempli sa chaussure ou chausson d'eau et l'a saisi avec sa bouche, subhanallah, comme on peut l'imaginer, en serrant les dents. Et il est remonté pour abreuver ce chien. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ Allah Azza wa Jal lui a donné la récompense de ce qu'il a fait pour ce chien, a reconnu son action et l'a récompensé et lui a pardonné ses péchés. Il lui a pardonné ses péchés. Allahu Akbar. Les compagnons se sont étonnés, ont dit, ô messager d'Allah, avons-nous une récompense pour ce qu'on donne à nos bêtes? Le prophète a répondu, pour chaque chose dotée d'un estomac, vous avez une récompense. Vous avez une récompense. Et dans l'autre hadith, une femme prostituée des communautés passées a fit de même, Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés, l'a guidée au repentir et lui a effacé ses péchés. Lui a effacé ses péchés. Subhanallah. Celui qui se montre reconnaissant envers les bienfaits d'Allah, envers, lorsqu'il reçoit les bienfaits d'Allah, et qu'il donne de ces bienfaits-là, Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses péchés, et lui fait sortir de son cœur l'envie de commettre le péché. Et il y a beaucoup de hadith dans ce sens-là. Parmi ce qui nous aide à être reconnaissant, c'est de savoir que la reconnaissance est une des caractéristiques des prophètes. Ceux qui étaient sur le chemin qu'on nous a ordonné de suivre. Dans Sourate Al-Isra, Allah Azza wa Jal nous dit en parlant de Nuh, « Dhurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana abdan shakura. » En parlant de Nuh, c'était un serviteur très reconnaissant. Dans Sourate Al-Nahl, au sujet d'Ibrahim alayhi salam, « Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, wa lam yaku min al-mushrikin. » شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Certes, Ibrahim était une communauté à lui seul, c'est-à-dire qu'il a réuni les caractéristiques à lui-même d'une communauté, comme la concrétisation du tawhid, dévoué dans l'adoration d'Allah, constamment dans le monothéisme, éloigné de toute forme de shirk. Il n'était point du nombre des associateurs. Reconnaissant envers les bienfaits d'Allah. Le meilleur des serviteurs reconnaissants était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha trouve le prophète alayhi salat wa salam qui prie une grande partie de la nuit. Ses chevilles enflent, ses pieds gonflent, Elle lui dit, Ya Rasulallah, tu fais tout cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Il lui dit, certes, mais ne devrais-je pas alors être un serviteur reconnaissant? Et le Mughira ibn Shu'ba nous dit, In kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqumu aw la yusalli hatta tarim qadama fayuqalu lahu fayaqul afala kunu abdan shakura. Et même le Bukhari nous dit que par moment le prophète alayhi salat wa sallam, comme le rapporte le Mughira ibn Shu'ba radiallahu an, se levait ou priait jusqu'à ce que ses pieds soient affectés. Et lorsqu'on lui parlait à ce sujet-là, il disait, ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant, apporté par Al-Bukhari. Parmi ceux qui t'aident à concrétiser la reconnaissance, c'est de savoir qu'Allah t'a ordonné la reconnaissance. Ça n'est pas une action facultative. Ça n'est pas une action surérogatoire. Dans Surat al-Baqarah, Allah nous dit « Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun » Allah nous ordonne d'être reconnaissant envers lui. Il nous interdit l'ingratitude. Dans Surat al-Luqman, Allah Azza wa Jal nous ordonne la reconnaissance à côté et après nous avoir ordonné « At-Tawhid » et nous ordonne la reconnaissance à côté de la reconnaissance envers les parents. La plus grande reconnaissance qu'on puisse imaginer après la reconnaissance envers le prophète sallam parmi les créatures. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Et on a enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère le porte peine sur peine. Peine sur peine, et son sevrage a lieu en 2 années. Sois donc reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi se fera ton retour. Vers moi se fera ton retour. Allah Azza wa Jal mentionne le bienfait qu'il a accordé au serviteur pieux Luqman al-Hakim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Sois donc reconnaissant envers Allah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Celui qui se montre reconnaissant, en réalité, le fait pour lui-même. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Celui qui se montre ingrat ou qui mécroit, certes Allah est celui qui se passe de tout, le digne de louange. Allah ne t'a pas ordonné la reconnaissance parce qu'il a besoin de toi. Non. Mais c'est toi qui as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de la part du Seigneur des mondes, à côté du Tawhid, de se montrer reconnaissant. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Il t'a été certes révélé, dans Surat Zumar, il t'a été certes révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu commets le shirk, toutes tes œuvres deviendront vaines, elles seront annulées. Et tu seras assurément du nombre des perdants. Mais c'est plutôt Allah qu'il faut adorer, c'est-à-dire seul, dans le culte sincère. Et sois du nombre des reconnaissants. Sois du nombre des reconnaissants. Et la plus grande reconnaissance, c'est Tawhid. C'est At-Tawhid. Ça, c'est l'ordre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est l'ordre aussi aux autres prophètes. Ya Moussa, inni stafaytuka ala nas bi risalati wa bi kalami fakhuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin. Dans Surat al-A'raf, Allah Azza wa Jalla informe et appelle Moussa. L'informe qu'il l'a élu, choisi au-dessus des gens, de par son message, de par sa parole. Il lui ordonne donc de prendre ce qu'il lui a donné et d'être du nombre des serviteurs reconnaissants. Et il nous a donné l'ordre à nous les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dans Sourate Al-Baqarah, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous avons accordées et montrez-vous reconnaissant vers Allah si c'est lui que vous adorez. Pour le bienfait des bestiaux, pour le bienfait des animaux, de leur laine et autres, pour le bienfait de la terre, le bienfait de la pluie, de ce qu'on mange, de ce qui sort de la terre. Dans tout cela, lisez sourate As, lisez sourate Yasin, lisez sourate Saba, on nous parle de manière détaillée de la reconnaissance. Là, le croyant a pour caractéristique, a pour descriptif la reconnaissance. Et cela, quelle que soit sa situation, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit éprouvé, qu'il soit dans l'aisance. L'imam muslim nous dit que Suhayb, radiallahu anhu, nous dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit عجبان لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Comme est étonnante l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est pour lui un bien. Et cela n'est valable que pour le croyant. Si un bien le touche, il se montre reconnaissant. Et ceci est un bien pour lui. Et si une épreuve le touche, il se montre endurant. Et ceci est un bien pour lui. Ô toi, le croyant, fais se soumettre ton âme à cela. Dans l'aisance, la reconnaissance. Dans la difficulté, l'endurance. Parmi ce qui nous aide à être reconnaissants vers Allah Azza wa Jal, c'est de savoir que cela nous amènera l'agrément de notre Seigneur, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans Sourate Az-Zumar, wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et si vous êtes reconnaissant, il sera satisfait de vous. Il sera satisfait de vous. Donc, il nous faut concrétiser cette adoration. Il nous faut lire au sujet de cette adoration. Il nous faut prendre conscience de la grandeur de cette adoration. Il ne faut pas être négligent et penser que de dire Alhamdulillah c'est suffisant. Non. Parmi ce qui t'aidera et ce qui te montre le mérite de la reconnaissance, c'est que c'est une cause pour repousser le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'on a mis à côté de la foi dans Sourate An-Nisa. Dans Sourate An-Nisa, Allah nous dit: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Pourquoi Allah vous châtirait si vous êtes reconnaissant envers lui et que vous avez foi en lui? Ou bien si vous êtes reconnaissant et que vous avez foi. Dans le tafsir de Tabari, Qatada rahimahullah nous dit: Inna Allah jalla thana'u la yu'adhib shakiran wa la mu'minan. Certes, Allah ne châtie pas un reconnaissant et un croyant. Allahu Akbar. Hadi fa'idatun thamina. Voici une information des plus précieuses. Allah ne châtie pas celui qui est reconnaissant et celui qui est croyant. Sourate An-Nisa, le verset 147. Parmi ce qui t'aidera à vouloir être reconnaissant, on peut appeler cela les mérites de la reconnaissance, c'est que ça va préserver ton bienfait présent. Deuxièmement, ça va le protéger contre sa disparition. Troisièmement, ça va l'augmenter. Et tout cela, tu le trouves dans Sourate Ibrahim. Allah te dit: Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid. Et lorsque ton Seigneur proclama: assurément, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Allahu Akbar. Et certains parmi les pieux prédécesseurs disaient: que la reconnaissance, hafidhun jalib, c'est une protection et c'est un gage d'augmentation. Ça protège le présent et ça augmente dans le futur. Donc si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Et si vous êtes ingrat, certes, ma punition est terrible. Parmi les bienfaits de la reconnaissance, la grande récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparée pour ceux qui sont reconnaissants. Dans sourate Ali Imran, وَسَنَجْزِي شَاكِرِينَ وَسَنَجْزِي شَاكِرِينَ Toujours dans surat Ali Imran, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ On est dans le même passage, verset 144-145, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ Plus loin, وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ Nous rétribuerons les reconnaissants. Et l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala va avec la reconnaissance du serviteur. Si tu te montres reconnaissant vers Allah, Allah sera satisfait de toi, comme dans le hadith de Sahih Muslim qu'on a mentionné. Selon Anas, Inna Allah l'arda anil abd, an ya'kul al-aklata fayahmadahu alayha, wa yashrab al-sharba fayahmadahu alayha. Allah est satisfait de son serviteur, qui lorsqu'il mange quelque chose, remercie Allah. Quand il boit quelque chose, il remercie Allah. Et celui qui sera le plus préservé parmi les serviteurs d'Allah sera celui qui est le plus reconnaissant dans l'aisance et dans la difficulté. Dans l'aisance et dans la difficulté. Donc, si on veut être des serviteurs reconnaissants, il nous faut apprendre. Il nous faut nous rappeler les bienfaits d'Allah Azzawajal. Il nous faut demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ici, j'attire votre attention sur une caractéristique qui fait défaut à bon nombre d'entre nous. Puisse Allah nous pardonner, nous corriger. C'est Al-Qana'a. Al-Qana'a, la suffisance. Et agréer ce qu'Allah nous donne. Être satisfait des dons d'Allah Azzawajal. Certains, Allah leur donne, mais ils se plaignent de jour comme de nuit. Certains, Allah leur ont donné des bienfaits inestimables. Al-Islam, Al-Iman, la santé et autres. Mais de jour comme de nuit, j'ai tel problème, ça va pas. Ils sont pessimistes. Ils n'ont jamais le moral. Ils se plaignent de jour comme de nuit. Et affecte même les gens de leur entourage. Et même quand Allah Azzawajal leur donne, ils disent « je n'ai pas assez ». Ils énumèrent leurs problèmes, mais n'énumèrent pas les bienfaits d'Allah Azzawajal. Donc ça, c'est gravissime. Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah donne aux serviteurs, c'est Al-Qana'a. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « bonne nouvelle à celui » à qui on aura accordé la suffisance. La suffisance. Et les plus grands bienfaits sont inestimables. Ils ne sont pas quantifiables et ils ne peuvent s'acheter. Al-Islam, Al-Sunna, la santé et autres. Et il nous a même été légiféré une adoration spécifique pour la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle sujoud ou shukr, la prosternation de la reconnaissance. Dans le hadith de Abu Bakr, radiallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait une bonne nouvelle, une chose qui le réjouissait, kharra sajidan shakiran lillah, il tombait prosterné en reconnaissance envers Allah, en signe de reconnaissance envers Allah. Charles-Albani nous dit que ce hadith est authentique. Et on ne conditionne pas d'avoir les ablutions pour la faire. Chaque jour qu'Allah Azzawajal permet, on doit s'acquitter de l'aumône pour chaque hausse que nous avons. Il y a 360 aumônes à faire par jour. Donc c'est beaucoup. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à chaque fois que la personne dit subhanallah, c'est une aumône. Alhamdulillah, c'est une aumône. La ilaha illallah, c'est une aumône. Allahu Akbar, c'est une aumône. Recommander le bien, c'est une aumône. Interdire un mal, c'est une aumône. Et si tu fais deux unités de prière, après que le soleil se soit bien levé, ad-duha, ben ça remboursera tout cela. Ou bien ça vaudra pour tout cela. Donc ça, c'est une manière de témoigner sa reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ad-du'a. Également, ad-du'a, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'invoquer Allah azza wa jal. Et rappelez-vous la du'a du bien-aimé à son bien-aimé. Enseigné à son bien-aimé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, Wallah, inni la uhibbuk. Ô Mu'adh, je jure par Allah que je t'aime. Mu'adh radiallahu anhu lui a répondu, Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah, je donnerai mon père et ma mère en rançon pour toi, ô messager d'Allah. Wa ana wallahi uhibbuk. Et moi aussi, par Allah, je t'aime. Puis le prophète lui a dit, Usika ya Mu'adh. Je te fais la recommandation, ô Mu'adh. La tad'anna fi duburi kulli salatin an taqul. Ne cesse jamais de dire à la fin de chaque prière, donc avant le taslim, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à te mentionner ou à me souvenir de toi, à être reconnaissant envers toi et à convenablement t'adorer. Voici la recommandation du prophète alayhi salatu wasallam. Donc pour être shakir, il faut demander à Allah Azza wa Jal. Il faut faire dua. Il faut faire dua. Et lorsque Mu'adh a reçu ce hadith, il l'a transmis. Et la personne qui l'a reçu l'a transmise. Et la personne qui l'a reçu l'a transmise. Et ainsi de suite. Et au jour d'aujourd'hui, on se la transmet. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, rahimahullahu ta'ala, et An-Nasa'i, rahimahullahu ta'ala, et d'autres. Et d'autres. Il y a également, dans le recueil d'Abu Daoud, la dua du prophète, alayhi salatu wasalam, que rapporte Abdullah ibn Abbas. Le prophète, sallallahu alayhi wasalam, disait, Rabbi, a'inni wa la tu'in alayya. Alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkur li wa la tamkur alayya, wahdini wa yassir hudaya ilay, wansurni ala man bagha alay, Allahumma ij'alni laka shakiran, laka dhakiran, laka rahiban, laka mitwa'a, ilayka mukhbita aw muniban, rabbi taqabbal tawbati waghsil hawbati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi. Une invocation magnifique dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à son seigneur seul sans associé. Ô mon seigneur, aide-moi et n'aide pas contre moi, secours-moi et ne secours pas contre moi. Que le stratège soit utilisé pour moi ou le stratagème soit utilisé pour moi et non pas contre moi. Guide-moi et facilite-moi la guider. Secours-moi sur ceux qui m'ont opprimé, ont transgressé à mon égard. Ô Allah, joins-moi au nombre de ceux qui sont reconnaissants. Joins-moi au nombre de ceux qui sont reconnaissants. Allahumma ij'alni laka shakiran, laka dhakiran, au nombre de ceux qui te mentionnent jusqu'à la fin du hadith. Subhanallah, rapporté par Abu Daoud. Charles-Albani dit qu'il est sahih. Une chose qui t'aidera à être reconnaissant, c'est méditer sur les bienfaits d'Allah, méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal t'enseigne dans le Coran, dans Sourate An-Nahl, qu'il t'a sorti, qu'il t'a créé, tu ne connaissais rien. Naam. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Méditez ce verset. Dans Sourate An-Nahl 78, et lisez les tafasirs des savants à ce sujet. Allah vous a fait sortir du ventre de votre mère ou de vos mères, vous ne connaissiez rien. Il vous a assigné, il vous a accordé l'ouïe, la vue, le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. Ainsi, méditez les bienfaits d'Allah sur nous, nous aide à la reconnaissance. Nous aide à la reconnaissance. Un homme parmi les pieux prédécesseurs a entendu un autre homme se plaindre. Il s'est plaint de sa situation difficile. Younous ibn Ubayy lui a dit: أيسرك ببصرك هذا مئة ألف درهم؟ مئة ألف درهم؟ Est-ce que pour ta vue, contre ta vue, tu aimerais recevoir 100 000 dirhams? L'homme a dit non. Il lui a dit pour ta main 100 000. L'homme a dit non. Il lui a dit pour tes pieds 100 000. L'homme a dit non. Et il lui a énuméré comme ça des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Puis au final, il lui a dit: je vois sur toi des millions de bienfaits. Des millions de bienfaits. Et malgré ça, tu te plains? Et malgré ça, tu te plains d'être dans le besoin? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il faut faire attention à ne pas entrer dans le verset où Allah dit dans Sourate An-Nahl: Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah puis ils le renient, et la plupart d'entre eux sont les mécréants. Allah Azza wa Jalla leur donne, puis ils disent: c'est grâce à moi, c'est grâce à mon intelligence. Où Allah sait que je mérite cela. Moi, je fais jamais de mal. Moi, mon cœur est pur. C'est pour ça qu'Allah m'a donné. Où il dit: sans un tel, je n'aurais jamais eu ça. C'est grâce à un tel que j'ai eu cela. Et il oublie Allah Azza wa Jal. Non, n'entre pas dans ce verset-là. Dis: Alhamdulillah. Allah Azza wa Jal m'a toujours comblé. Allah n'oublie pas son serviteur. Allah nous a tout donné. Alhamdulillah. Al-Qana'a, la suffisance. La reconnaissance et la suffisance. On ne peut pas dénombrer les bienfaits d'Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de dénombrer, d'énumérer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Comme Allah nous le mentionne dans sourate Ibrahim, le verset 34. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui aujourd'hui s'est réveillé, s'est levé avec la santé, avec la sécurité, et il a ce qu'il lui faut à manger pour aujourd'hui, c'est comme si on lui avait donné toute la dunya. Allahu Akbar. Celui qui s'est réveillé aminan mu'afa lahu qutu yawmi, yani il se lève, il n'est pas dans un climat de guerre, il est en sécurité, il ne craint pas un ennemi qui va venir chez lui. Il a la santé. Et il a de quoi manger pour un jour et une nuit, ou un jour. C'est comme si on lui avait réuni tout ce bas monde. C'est comme si on lui avait donné la dunya dans son entièreté. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Combien de bienfaits sur nous-mêmes, wa fi anfusikum afala tubsirun, et sur vous-même, comme Allah dit dans Sourate Dhariyat. Ne voyez-vous donc pas? Ne voyez-vous donc pas? Visitez les malades dans les hôpitaux. Regardez ceux qui ne peuvent même plus boire un verre d'eau. Ils ne peuvent même pas prendre une bouchée. Ils sont sous perfusion. Ils ne peuvent pas se lever du lit. Ils ne peuvent même pas faire el-wudu. Certains rêvent de pouvoir faire el-wudu une fois encore. Ils ne peuvent plus poser leur front par terre. Certains rêvent de pouvoir poser leur front pour Allah Azza wa Jal. de pouvoir prendre leurs enfants dans leurs bras, les embrasser. Ils sont malades, alités. Et toi, tu te plains de ta situation. Tu es dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Vas-tu utiliser ce corps qu'Allah t'a donné, ces jambes qu'Allah t'a donné, même si tu n'as pas de jambes, cette chaise qu'Allah t'a donnée? Vas-tu utiliser ces moments précieux pour adorer Allah Azza wa Jal après avoir entendu ce rappel sur la reconnaissance ou non? Vas-tu utiliser ce temps qui est un des grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal dans l'obéissance d'Allah, la lecture du Coran, la demande de pardon, à dire cette invocation Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ce hadith que le prophète sallam a enseigné à Aïcha, la femme qu'il aimait le plus, lorsque Abdullah ibn Amr ou bien Amr ibn al-As lui a dit: Ô messager d'Allah, man ahabbu an-nas ilayk? Qui est-ce que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. On lui a dit: min ar-rijal, parmi les hommes. Il lui a dit: abouha, son père. Ben, cette femme qu'il a aimée, la personne qu'il a aimée le plus, il lui enseigne cette dua: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, je me suis trompé d'invocation, c'est plutôt Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es absoluteur, tu aimes l'absolution, absous donc mes fautes. Mémorisez cette invocation. Mémorisez cette invocation. Barakallahu fikum. Elle est très courte et très riche. Et il se peut que vous tombiez à une heure où Allah Azza wa Jal dispense ses grâces et que vous soyez en train de la prononcer et que cela vous amène son agrément jusqu'au jour de sa rencontre et le pardon de l'ensemble de vos péchés, de nos péchés passés. Il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance qu'il ne faut pas occulter, c'est la reconnaissance envers les gens. Jusqu'à présent, on parlait de la reconnaissance envers Allah, c'est une adoration. Il y a aussi par la suite la reconnaissance envers les gens. Et elle fait partie de la reconnaissance envers Allah. Dans le cas d'Imam al-Tirmidhi, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, nous dit: La yashkurullah, man la yashkurunnas. La yashkurullah, man la yashkurunnas. Celui qui n'est pas reconnaissant envers Allah n'est pas reconnaissant envers les gens. Ou plutôt n'aura pas été reconnaissant envers Allah, celui qui n'aura pas été reconnaissant envers les gens. Ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi. Il y a un autre hadith de Abdullah ibn Omar, ce n'est pas celui-ci. Non. Man sana alaykum ma'rufan fakafi'uh. Celui qui vous fait un bien, ça c'est hadith d'Abdullah ibn Omar. Man sana alaykum ma'rufan fakafi'uh. Celui qui vous fait un bien, dédommagez-le. Il vous rend un service, il vous donne quelque chose, dédommagez-le. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, si vous ne trouvez rien pour le dédommager, fad'u la, invoquez en sa faveur. Hatta taraw annakum qad kafa'tumuh, jusqu'à ce que vous considériez que vous l'avez rétribué. Et dans le hadith de Usama ibn Zayd, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui à qui on fait un bien et dit, donc au bienfaisant, jazakallahu khayran, qu'Allah te rétribue en bien, faqad ablagha fi thana, il aura certes fait les plus grandes éloges. Il aura certes fait les plus grandes éloges. Barakallahu fikum. Et il faut faire attention, celui qui reçoit le bienfait, il le reçoit de la part d'Allah. Et la créature n'est qu'une cause qui se fait du bien elle-même en réalité. Les riches ont besoin des pauvres. En leur donnant, Allah est satisfait d'eux. En leur donnant, Allah éteint ou Allah pardonne leurs fautes. En leur donnant, Allah Azza wa Jal ne se met pas en colère contre eux. En leur donnant, Allah bénit leurs biens. En leur donnant, Allah augmente leurs biens. Et ainsi de suite. Wallahi que le pauvre n'a pas plus besoin du riche que le riche a besoin du pauvre. À la fin de Ramadan, tu trouves les gens. Wallahi, ils t'appellent, ils cherchent des pauvres. comme le pauvre cherche de l'argent. Barakallahu fikum. Le pauvre ne doit pas donner une place trop haute à celui qui lui donne. Il lui dit Jazakallahu khairan, il se montre reconnaissant, il lui témoigne sa reconnaissance. S'il peut le dédommager, il le dédommage. S'il peut lui offrir un plat, il lui offre un plat. Sinon, il fait deux et ainsi de suite. Mais il ne doit pas dire sans toi, je n'aurais jamais eu. Non, ça se dit pas. Sans Allah, je n'aurais jamais eu. Oui, je n'aurais jamais eu. Sans Allah, Naam, enseignez cela aux gens. Qu'ils n'exagèrent pas à l'égard des donateurs ou à l'égard de ceux qui organisent ou ceux qui aident ou ceux qui s'entraident dans ce bien-là. Wa nas'alullah al-ikhlas. Nas'alullah al-ikhlas. Et c'est à Allah qu'on demande la sincérité dans les œuvres. Un point essentiel pour se montrer reconnaissant, c'est de toujours regarder ceux qui sont en dessous de nous dans la situation et non pas ceux qui sont au-dessus de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par le Bukhari et Muslim, إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَ يعني فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلْ مِنْهُ مِمَّنْ هُوَ فَضُلَ عَلَيْهِ مِمَّنْ فَضُلَ عَلَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'un d'entre vous regarde celui à qui Allah Azzawajal a donné des biens, qu'il regarde celui qui est en dessous de lui. Qu'il regarde celui qui est en dessous de lui. Et non pas celui qui est au-dessus de lui. L'imam al-Nawawi explique et dit, parce que si il regarde ceux qui sont au-dessus de lui, il va mépriser le bienfait qu'Allah lui a donné à lui. Il va le minimiser, le mépriser. Et il va être avide de conquérir ce qu'il n'atteindra pas. Et écoutez cette parole. Il nous dit ça, c'est ce qui est présent chez la plupart des gens. Quant à ceux qui regardent ceux qui sont en dessous d'eux, ces gens-là, leur apparaît le grand bienfait d'Allah sur eux. Et ces gens-là se montrent reconnaissants. Ces gens-là se montrent humbles. Et ces gens-là font du bien. Wallahi, que des pauvres qui reçoivent des denrées alimentaires, on les voit préparer des repas à leur tour et donner aux autres. Wallahi al-Azim. On me raconte hier ou avant-hier qu'une femme, dans une pauvreté extrême, seule avec son enfant, a reçu des denrées alimentaires. Elle a pleuré, elle a fondu en larmes. Puis, ce qu'elle a reçu, elle l'a partagé avec 3 personnes. Allahu Akbar. Elle n'a rien. On m'informe qu'elle n'avait reçu qu'un paquet de pâtes et c'est ce qu'elle consommait. Des frères qu'Allah les récompense lui ont acheminé, un frère et son épouse, lui ont acheminé des denrées alimentaires. Elle a fondu en larmes. Et lorsque la question lui a été posée sur ses besoins, de par la pudeur et la suffisance, elle ne pouvait pas décrire. Lorsqu'elle a été contrainte de dire, elle a dit un minimum. Des bienfaisants lui ont donné. Elle a fondu en larmes. Elle a pris cela. Elle a dit, oui, mais il y a un tel et un tel aussi dans le besoin. Je vais partager avec eux. Allahu Akbar. Wallah, c'est une leçon. Wallah, c'est une leçon. Subhanallah. C'est une leçon. Elle a partagé avec 2 autres familles dans le besoin, alors qu'elle n'avait rien. Comment est-ce que après ça, nous pouvons être avares? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à être des serviteurs reconnaissants et à utiliser ses bienfaits dans ce qui lui plaît, subhanahu wa ta'ala, et à nous rappeler que tout ce que nous avons nous provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que personne ne peut avoir sans la permission d'Allah. Et que tout ce que nous avons émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous provient de ses grâces de sa pitié, de sa miséricorde. Et si on se montre ingrat, Allah est capable de nous enlever tous ses bienfaits, comme il le fit pour Qaroun. Naam, comme il le fit pour Qaroun. Au début, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabara alayhim wa ataynahu min al-kunuz. Allah Azza wa Jal nous parle de Qaroun à la fin de surat al-Qasas, al-Qasas, et nous dit qu'il lui a donné d'énormes richesses. Mais à la fin, quand il s'est montré ingrat, que s'est-il passé? Lisez l'histoire de Qaroun et vous verrez. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. C'est une sourate que je ne mémorise pas. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, nous l'avons enseveli dans la terre. Dans la terre. La terre l'a avalé par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Lui ainsi que sa maison et ses richesses. Donc on fait attention. On fait attention à l'ingratitude. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonner pour nos imperfections. Wallahu a'lam. أستغفر الله وأتوب إليه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رب يا رحيم يا شكور يا بر يا رحيم يا الله نسألك يا الله أن تجعلنا من الشاكرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. J'ai appris le décès d'une sœur de Villepinte qui est décédée suite à une maladie. On s'associe avec ses proches dans leur douleur et nous disons Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, warhamha, warfa' darajatiha fil jannah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا